Lâche quoi, ma gueule? Wapoka! Wapoka, ni ma gueule, reviens du Congo! Panka panka tu veux tu l'auras pas. Panka panka compte pas se faire péter. Panka panka c'est l'histoire panka ni un gars sans mani. Absence se vide des principes comme mani. On dit que les armes mani sort jamais sans le mini. Là des boîtes sur Paris. Panka panka investir et renta. Panka panka avant c'était pas ça. Un enfant les sous X que personne n'a nommé. Panka panka tout petit seul il sapait. Panka panka tout petit seul il sapait. Un enfant les sous X que personne n'a nommé. Panka panka la vie de panka ni. Il est noté de blé sur les montagnes de Tizi. Il a doublé le paramata, c'est lui qui fournit. Panka panka le mental Bendero. Panka panka c'est un vrai bandolero. Panka panka n'a pas connu de Luna. Il a connu les euros, maintenant il a fait de lui un roi. Panka panka pour lui personne n'était là. Panka panka des soirs il mangeait pas. Panka panka un truc triste pas gagé. Panka panka son mal rêve de Rémi. Il avance seul sans amis, il a beaucoup d'ennemis. Panka panka tu le couilles, il t'aurait pas du ras, bah gros sympa tu goûteras. Panka panka gros à goutte au plomb. Panka panka gros à fait de la prison. Panka panka n'avait même pas. Il a grandi, il a banqué, ils ont sème saint bigot. Remballe tes bigots, il traite qu'avec Ben des gros petits blédards. C'est un bandit, ça son bid est rempli. Il a pas de remplaçant, c'est lui qui gère toutes les places. Il gère toutes les places, il s'est fait son patron. Faut pas trop rêver, mais Panka c'est un rêveur. Seul devant cette rivière, il cogite et il passe. Il pisse même dedans, à 10 ans c'est un pirate. La ville a rendu paro, il a retourné Paris. Pas pour rien, pour des 11 mecs à tourner en rond. Panka partout, full bazar, son point de départ c'est best bar. C'est un berbère, c'est un barbare du sang d'Empire ottoman. Il fout que d'être année, la putain il est trop loin. Longtemps l'a pas cru, sans dents il a croqué. Il a con qui bélise, mais passé ses barreaux. Il est sorti, il s'est barré, au fait c'est un bourreau. Discret trop barré, c'est un vrai Sicalos. Sacrément carré, il aime pas trop rigoler. Il fait sale son boulot, il a de la pure de Bali. Il veut reprendre le marché, mais le marché est costaud. Du propos au costard, le constat est juteux. Panka n'a jamais les jetons, donc il pose tous ses jetons. Il perd, il est braque, il appuie sur le briquet. Sans regret, sans broncher, mais il se branche au problème. C'est lui qui allume la mèche, mais c'est pas un méchant. Panka marche pas ses mots. C'est l'argent qui le motive, il fait seul son anniv. Il souffle seul ses bougies. Voilà histoire Panka ni, c'est piquant, c'est comme ça. C'est que le début de la fin, donc finissons en beauté. Panka ni seul s'est bâti, il aura son bateau. Panka ni seul s'est bâti, il aura son bateau. Il aura son bateau, ma gueule. La squad.